Monsieur, nous venons faire la révérence à votre Altesse comme ami de monsieur votre beau-père et l'assurer avec respect de nos très humbles services. Où est le truchement pour lui dire qui vous êtes et lui faire entendre ce que vous dites? Vous verrez qu'il vous répondra et il parle turc à merveille. Oh là, où diantre est-il allé? Strouf, strif, trof, straf. Monsieur est une grande senore. Hein? Grande senore. Grande senore. Et madame, une grande dama. Grande dama. Oh. Lui, monsieur, lui, mamamouchi français. Hein? Et madame, mamamouchi française. Je ne puis pas parler plus clairement. Ah, bon, voici l'interprète. Où allez-vous donc? Nous ne saurions rien dire sans vous. Dites-lui un peu que monsieur et madame sont des personnes de grande qualité qui lui viennent faire la révérence comme mes amis et l'assurer de leur service. Vous allez voir comme il va répondre. Voyez-vous? Il dit que la pluie des prospérités arrose en tout temps le jardin de votre famille. Je vous l'avais bien dit qu'il parle turc. Cela est admirable.